Nous retrouvons Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Personne ne pouvait deviner que tout se passerait si vite. En quelques jours seulement, le redoutable empire soviétique s'est délité. Les républiques se sont émancipées les unes après les autres et le 8 décembre 1991, 2 ans après la chute du mur de Berlin, c'en est fini de l'URSS. Elle cède la place à la CEI, la Communauté des États indépendants. Encore quelques jours et à Noël, le dernier président soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, annonce sa démission au cours d'une émission télévisée. Une demi-heure plus tard, le drapeau rouge frappé de la faucille et du marteau qui flotte sur le Kremlin est remplacé par le drapeau russe, blanc, bleu et rouge. En fait, tout s'est joué quelques mois plus tôt, en août, lors d'une tentative de putsch perpétrée au moment où Gorbatchev prenait des vacances au bord de la mer Noire. Le complot a échoué très rapidement. Le président soviétique est revenu, libre, mais politiquement diminué à Moscou. Car désormais, l'homme fort s'appelait Boris Yeltsin. C'était en effet le président de la République de Russie, fraîchement élu, qui avait pris la tête de la résistance aux putschistes. À partir de là, les jours de l'URSS étaient comptés. Cette tentative de putsch a donc été essentielle. Tout s'est joué au cours de ces 3 jours. Mais, d'après M. X, la vérité n'a jamais été faite sur cette aventure séditieuse qui a permis à Yeltsin de devenir le nouveau tsar de la Russie. Il se propose d'en révéler les secrets. Terre, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Vous vous rappelez comment tout a commencé ? Gorbatchev, Gorbi, comme on l'appelle en Occident, où il fait l'objet d'un véritable engouement. Oui, la Gorbimania. Oui, ça, Gorbatchev était alors beaucoup plus populaire à l'étranger que dans son propre pays. Enfin, je reprends. Gorbatchev est alors en vacances avec sa famille sur les bords de la mer Noire. Des vacances studieuses. Le président soviétique doit mettre la dernière main au discours qu'il prononcera le 20 août à Moscou. Un texte essentiel pour l'avenir de l'URSS. Le traité de l'Union doit à cette occasion être signé par les représentants des républiques. Et puis Gorbatchev est décidé à accorder une autonomie plus grande à ces républiques soviétiques, hein, c'est ça ? C'est ça, oui. Mm-hmm. C'est pour lui la seule façon de sauver l'URSS et d'empêcher son démantèlement. Mm. Mais naturellement, ce projet suscite une violente opposition. Oui, en particulier ceux qu'on présente comme les conservateurs, c'est-à-dire les dignitaires de la nomenclatura, ne veulent pas en entendre parler. Parce que si le pouvoir central cesse d'être tout-puissant, ils risquent de perdre leurs privilèges et leurs prébendes. Mmh. Ajoutons tout de suite que la situation à l'intérieur de la fédération est alors catastrophique. Mais c'est la crise économique. Hein. Et la crise morale. La société soviétique ne sait plus où elle en est. Incontestablement, Gorbatchev a déçu. La glasnost et la perestroïka n'ont pas produit les effets espérés. Gorbatchev donne l'impression d'hésiter sans cesse et de ne pas oser mettre en œuvre les réformes promises. En URSS, chez les réformateurs, on dit qu'il fait 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Bah, 2 pas en avant, c'est quand même pas si mal. Et toutefois, ça ne suffit pas à rassurer les gens. Enfin, revenons aux vacances de Gorbatchev et voyons les faits, uniquement les faits. Enfin, ce qu'on en sait officiellement. Ah oui, parce que vous avez une autre version, bien sûr. Enfin, disons une autre interprétation. Le 18 août. Ouais. Donc le 18 août, c'est 2 jours donc, avant l'adoption de ce fameux traité de l'Union. Oui, c'est ça, ouais. Le 18 donc. Plusieurs voitures noires se présentent devant l'entrée de la villa du président. Et les gardes les laissent entrer car dans l'une d'elles se trouve un général du KGB qui est justement chargé de la protection du numéro 1 soviétique. Ouais. Et les autres passagers ? Oh, tous sont de très hauts personnages. Il y a là par exemple le commandant en chef des forces armées terrestres. Mais le plus proche collaborateur de Gorbatchev, Valérie Boldine, figure aussi dans cette délégation qui exige de voir au plus tôt le président. Qui exige ? Oui. D'ailleurs, ces hommes, ils sont 5, n'attendent pas l'autorisation de pénétrer dans le bureau de Gorbatchev. Ils y entrent d'autorité. Alors, Gorbatchev comprend tout de suite. Évidemment. Hein. D'autant qu'il a préalablement constaté que ses lignes téléphoniques étaient coupées. Enfin, nous reviendrons sur ce point très curieux. Ensuite, on l'a averti que des parachutistes étaient déployés autour de la villa. Il ne peut donc pas avoir de doute, mais il sait qu'il s'agit d'un coup d'État, on veut le destituer, quoi. Pas tout à fait. En réalité, ce que veulent ces hommes qui ont fait éruption dans son bureau, c'est qu'ils signent un décret proclamant l'état d'urgence. Un décret qui donnerait le pouvoir aux forces de sécurité ? Oui. Gorbatchev n'est pas trop étonné. Car ça fait des mois qu'il existe en URSS des rumeurs de coup d'État. Ces putschistes déclarent aussi qu'ils agissent au nom d'un comité de 8 hommes chargés justement de faire appliquer l'état d'urgence. Parmi eux, il y a le vice-président, le premier ministre, le ministre de la Défense, celui de l'Intérieur, et le tout-puissant patron du KGB, Vladimir Kriouchkov, le véritable chef du complot. Oui. Et c'est donc toute la tête de l'État. Hein. Oui. Un autre dignitaire est aussi associé à cette entreprise, Anatoly Lyukianov, le président du Soviet suprême. Mais ce personnage machiavélique prend bien garde de ne pas trop s'engager. Notons au passage que tous ces dignitaires ont été nommés par Gorbatchev. On peut donc les considérer comme des fidèles ? En principe, oui. Dans les faits, ce sont tous les tenants de la ligne la plus dure. C'est-à-dire celle qui prône le maintien à tout prix de l'URSS et de ses structures. Et aussi, bien sûr, la primauté du Parti communiste. Mmh. Alors, devant cette intrusion, comment le président soviétique réagit-il ? Il résiste. Pas question pour lui de signer un tel texte. Et bien sûr, pas question non plus de démissionner. Mmh. Risquait-il sa vie là, en s'opposant aussi clairement à la délégation putschiste ? Je ne crois pas. Les temps avaient changé, même en URSS, et les putschistes voulaient surtout isoler Gorbatchev et l'assigner à résidence, le temps de perpétrer leur mauvais coup à Moscou. Mmh. Comment ça se passe, hein ? Les délégués du comité d'urgence repartent pour Moscou. Ils sont bredouilles. Hein. Oui, mais le fait de ne pas avoir recueilli la signature de Gorbatchev ne les dissuade nullement. Le lendemain matin, au petit jour, le ministre de la Défense réunit les officiers supérieurs les plus importants et leur annonce que Gorbatchev est malade et qu'en conséquence, toutes les unités doivent être mises en état d'alerte. Les officiers, là, ils croient ? Bah, pourquoi pas ? Même si certains se souviennent qu'en d'autres occasions, on a utilisé ce prétexte pour mettre les dirigeants en rancard. Simultanément, les organes de presse, et d'abord la télévision, sont informés qu'en raison de son état de santé, Gorbatchev n'est plus en état d'assumer ses fonctions. C'est donc, conformément à la Constitution, le vice-président qui prend les commandes et qui, en cette période troublée, décrète l'état d'urgence pendant 6 mois. Mais malgré cette apparence de légalité, j'imagine que personne ne s'y trompe, c'est bien d'un putsch qu'il s'agit. Oui, et on en a rapidement la preuve, puisque peu après la diffusion de ce premier communiqué, un deuxième communiqué indique qu'a été décidée la création d'un comité rassemblant des membres du KGB, du Parti et de l'Armée Rouge. C'est cet organisme qui sera chargé d'appliquer l'état d'urgence. Première décision, la censure est rétablie. Deuxième décision, des colonnes de chars entrent dans Moscou. Mmh. Est-ce que ce putsch est suivi par le genre de mesures qu'on prend tout de suite en pareil cas, la prise en main des organismes d'information, puis aussi l'arrestation des opposants éventuels ? Eh bien non. Pourtant, l'opposition n'a pas tardé à se manifester. D'abord au Kremlin, où les partisans de Gorbatchev se sont retranchés. Et ensuite à la Maison Blanche, c'est-à-dire le Parlement de Russie. Très tôt dans la matinée, le porte-parole du Parlement dénonce le coup de force. Mais ce qu'on attend surtout, c'est la réaction de Boris Eltsine, le président élu de la Russie. Oui, parce qu'il est directement visé. Bien sûr. Ce que veulent les putschistes à l'évidence, c'est museler les velléités d'indépendance des républiques. Et la plus importante d'entre elles, celle de la Russie, est aussi la plus concernée. En outre, depuis son élection au suffrage universel, Eltsine a pris une dimension nouvelle et il est devenu presque naturellement le chef du courant libéral. Oui, contre les conservateurs communistes. C'est certain, oui. Alors, justement, Eltsine, lui... Comment réagit-il ? Il faut d'abord dire qu'il réagit avec une grande célérité, une très grande célérité. Qu'est-ce que vous insinuez là, en insistant sur ce point ? Si vous le voulez bien, on en reparlera plus tard. Mm-hmm. Et vous comprendrez à ce moment-là. Donc, ce matin du 19 août, Boris Eltsine se trouve dans sa datcha, située à une vingtaine de kilomètres de Moscou. Très vite, il réunit ses principaux collaborateurs, rédige avec eux un communiqué dénonçant ce coup de force anticonstitutionnel, puis, craignant d'être lui-même arrêté, il fonce vers la capitale avec ses amis. À ce moment-là, quelle est son intention ? Il compte bien se rendre à la Maison Blanche. Ah, hein. Il y a le Parlement russe. Oui, il sait très bien qu'il peut en faire une place forte de l'opposition aux putschistes. Et dès 9h, il y arrive et il met aussitôt en place un double état-major. L'un civil, l'autre militaire. Vous avez dit 9h, alors que c'est seulement au petit matin que les mutins ont publié leur premier communiqué. Et encore une fois, cette célérité vous intrigue. Hein ? Comment pourrait-il en être autrement ? Écoutez, je ne veux pas vous faire languir, mais tout ça donne vraiment l'impression que Eltsine et les siens étaient prêts. Prêts à faire face ? Oui, bien sûr. Bien, allons jusqu'au bout. Hein. Ça pourrait signifier que Eltsine était au courant de ce qui se préparait ? Et pourquoi pas ? France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Nous allons bien sûr reparler tout de suite de Boris Eltsine et de la façon dont il va, non sans talent, exploiter la situation. Mais... revenons un instant en arrière. En 1991, alors qu'il est encore président, Mikhail Gorbatchev publie sa version des événements dans un livre publié en France par Olivier Orban. J'en extrais ce passage où il raconte l'irruption des délégués des putschistes dans son bureau. Les visiteurs prétendirent que le comité était déjà formé et qu'il ne leur manquait qu'un décret du président. Il me plaçait devant l'alternative suivante. Ou bien je publiais le décret et je restais là, ou bien je cédais tous les pouvoirs au vice-président. Baklanov m'annonça que Boris Yeltsin avait été arrêté, puis il se reprit, il allait l'être. Pour quelle raison, demandai-je. La situation. Le pays va tout droit à la catastrophe, il faut prendre des mesures et proclamer l'état d'urgence. Rien ne peut plus nous sauver, on ne peut plus se bercer d'illusions. Ils ne m'épargnèrent aucun pensif. Je leur répondis que je connais aussi bien qu'eux la situation politique, économique et sociale du pays, les problèmes des gens, leur vie, les difficultés qu'ils supportaient quotidiennement. Il fallait certes faire au plus vite le nécessaire pour améliorer leur existence, mais j'étais farouchement opposé, et pas seulement pour des raisons politiques et éthiques, à toute solution du genre de celle qu'ils proposaient et qui ont toujours conduit à la mort de centaines, de milliers ou de millions d'êtres humains. Nous devions y renoncer à tout jamais, faute de quoi toutes nos idées seraient trahies, notre action réduite à néant et le pays s'enfoncerait dans un nouveau cercle vicieux et sanglant. Je reviendrai sur Lénine et Yeltsin, je vous promets. Mais continuons à voir ce qui se passe sur le terrain. Les chars sont donc entrés dans Moscou, ils ne sont pas très nombreux pour une ville aussi importante. Mais quelles sont leurs cibles, enfin, si je puis dire? Quelques unités prennent place devant la mairie, l'agence TASS, la Banque d'État, la Gosbank, et naturellement d'autres chars se dirigent vers la Maison-Blanche. Oui, la Maison-Blanche où Boris Yeltsin a installé son QG, c'est ça? Oui, dès ce matin du 19 août. Et quelle est l'attitude des tankistes? Bizarre. La plupart ne se montrent guère hostiles. Certains iront même jusqu'à dire à la population que leurs mitrailleuses et leurs canons ne sont pas approvisionnés en munitions. D'accord avec vous, tout ça me paraît assez étrange. Et pour tout dire, ça donne une impression de flottement. En tout cas, devant la Maison Blanche, les partisans de Yeltsin ont édifié à la hâte des barricades dressées face aux chars, des barricades assez dérisoires, faites le plus souvent de véhicules renversés. Il faut dire aussi qu'il y a foule autour des chars. Foule, ça veut dire que les gens semblent pas très effrayés. Non, pas du tout. Ils essaient de discuter avec les soldats, de comprendre ce qui se passe. Et c'est là que le président de la Russie va tenter le coup de sa vie. Vous vous souvenez, j'imagine. Ah oui, le discours sur le char. Là. C'est ça, oui. À la mi-journée, Boris Yeltsin sort du Parlement, vêtu d'un gilet pare-balles. Il est entouré de ses gardes du corps. Franchissant les barricades, il se dirige vers les chars, grimpe sur l'un d'entre eux, sort un papier de sa poche et, s'adressant à la population agglutinée au milieu des engins blindés, commence à lire une déclaration condamnant le putsch et appelant à la désobéissance civile. Est-ce vrai qu'il a dit quelque chose comme... on peut édifier un trône avec des baïonnettes, mais il est impossible de rester longtemps assis. Écoutez, je n'étais pas là. En réalité, ce qu'il a vraiment dit, peu de gens l'ont entendu, mais c'est l'image qui compte. Ah, une image qui va faire le tour du monde. Hein. Il ne pouvait pas en être autrement. CNN. Hein. Ouais. Parce que d'un seul coup, Yeltsin incarnait le courage et surtout l'esprit de résistance de toute une nation. L'émotion suscitée est telle que sous les applaudissements de la foule, certains soldats pleurent et que d'autres manœuvrent la tourelle de leur char et pointent désormais leur canon vers la ville et non plus vers la Maison-Blanche. En accomplissant ce geste-là, Yeltsin acquiert aussi une stature internationale. Bien entendu. Ouais. Il paraît en particulier qu'à Washington, le président Bush a été très impressionné par l'image du président russe juché sur le char. Et alors que jusque-là, il l'a traité avec une certaine légèreté, il va changer d'attitude et commencer à penser... qu'il sera le futur numéro un de l'URSS ou de ce qui en restera. Ah ouais, dire qu'il est rassuré. Certainement, même si on a noté qu'aux États-Unis, à aucun moment, on ne s'est affolé. Bush, par exemple, n'a pas jugé bon d'interrompre ses vacances, ce qui paraît surprenant, parce qu'un putsch militaire à Moscou, c'était quand même pas rien. Mais à cause de la puissance nucléaire de l'URSS. Évidemment, l'arme atomique aux mains d'une poignée de staliniens partisans d'un retour à l'ordre ancien, ça ne pouvait légitimement faire peur. Eh bien non. Alors, comment expliquez-vous cela? Il n'y a qu'une explication. À Washington, on avait reçu des assurances. Des assurances des putschistes? C'est possible. Mais je crois plutôt que les véritables initiateurs de cette affaire avaient pris les devants. Alors, qui Un petit peu de patience, si vous voulez bien. Et du côté des putschistes, alors, comment réagit-on après le geste spectaculaire de Boris Yeltsin? Là aussi, le coup d'éclat du président russe a fait impression. Est-ce qu'on a compris que c'était fichu? Certains, oui. Le Premier ministre tombe opportunément malade, d'autres commencent à prendre leur distance. C'est le cas d'ailleurs du président du Parlement soviétique, Loukianov. Cet intellectuel, généralement présenté comme la tête pensante du complot, aurait sans doute pu faire pencher la balance en faveur des putschistes. Mais comment? S'il avait convoqué les députés du Soviet suprême, cette assemblée, dominée par les conservateurs, aurait certainement approuvé l'instauration de l'état d'urgence. On a donc donné une apparence de légalité au coup d'État, c'est oui, ce que vous voulez dire. Je ne dis pas que le putsch aurait réussi pour autant, mais enfin, toutefois la partie aurait été plus difficile. Pour les réformateurs et les libéraux. Mais Loukianov, là, n'a pas pris cette initiative Oh, parce qu'il a jugé que le vent avait déjà tourné, non? Ou parce qu'il n'a jamais été dans son intention de le faire. Ah, c'est vrai qu'il a donc trahi ses amis putschistes, c'est ça? Moi, ouais, c'est ma conviction. Mais toute cette affaire, vous en apercevrez, a été en réalité un vaste jeu de dupes. Comment tout cela va-t-il se terminer, là? Oh, dans la plus grande confusion. La confusion des putschistes, je veux dire. Mais une affaire pareille ne peut pas se terminer d'un seul coup. Et puis, il faut dramatiser. Oui, encore une de vos insinuations. Oh, ce n'est pas une insinuation. Il fallait que le peuple russe ait réellement l'impression qu'il était passé à côté de quelque chose de très grave. Sinon, ce putsch n'aurait servi à rien. Oui. Écoutez, c'est toujours votre obsession de la manipulation, n'est-ce pas? Oui, enfin, je crois vous avoir souvent fait la preuve que je n'inventais rien. Enfin, passons. Le 20 août, donc, deuxième jour du putsch, la tension semble monter. À Moscou, des dizaines de milliers de personnes manifestent contre la sédition, tandis qu'on apprend simultanément qu'une nouvelle colonne de blindés se dirige vers la capitale de l'URSS. Et pourtant, c'est ma conviction. On sait déjà que l'armée rouge globalement refusera d'obéir si on lui demande de tirer sur les manifestants. Vous avez l'air là, bien sûr de vous. Hein. Tout à fait. Les putschistes qui y croyaient en tout cas n'avaient pas compris que l'URSS avait profondément changé et que les citoyens n'avaient plus peur. D'autant moins peur que le régime soviétique semblait bien prêt de s'écrouler. Et puis dans l'armée rouge, il y avait aussi beaucoup de soldats du contingent. Mmh. Vous voulez faire un parallèle là, avec le putsch des généraux à Alger là? Bah, pourquoi pas. Alger, c'est le contingent qui s'est révolté contre ses chefs. Mmh. Enfin, écoutez. Ce même 20 août, malgré le couvre-feu, des milliers de moscovites occupent encore la rue. C'est à ce moment que se produit le seul incident tragique de ce putsch. Trois manifestants sont écrasés par un char. Le lendemain, l'opposition attaque les blindés avec des pierres et des cocktails Molotov. Mais les dés sont jetés. Le ministre de la Défense ordonne à ses troupes de regagner les casernes. Oui, c'est fini. Oui, les putschistes ont perdu. Ils tentent pourtant de jouer la carte de la dernière chance. Le patron du KGB, Kryochkov, téléphone à Etsin, il lui propose de l'accompagner en Crimée. En Crimée, donc chez Gorbatchev, ouais, pour lui signifier qu'il est à nouveau libre de ses mouvements, bien entendu. Etsin refuse cette proposition insensée. Il sait, lui, que la partie se joue à Moscou et qu'il est tout près de l'emporter. Toutefois, quelques-uns des putschistes feront quand même le voyage de Crimée. Mais Gorbatchev refusera de les recevoir. Et tous seront arrêtés la nuit même. Mmh. Et Gorbatchev lui-même, alors, qu'est-ce qu'il y a? Une délégation du Parlement russe vient le chercher. Des députés russes, donc des partisans de Boris Eltsine. Et c'est important parce qu'on a l'impression que c'est Eltsine lui-même qui a décidé de faire libérer le président soviétique. Dans la nuit, Gorbatchev revient à Moscou. Il pense alors qu'il peut encore reprendre les choses en main, mais il se trompe lourdement. C'est Eltsine et lui seul qui a gagné. Attendez, Gorbatchev demeure quand même le président de l'URSS et aussi le secrétaire général du Parti communiste. Certes, mais il n'a pas compris que la population russe ne voulait plus d'un système qui avait vécu. Gorbatchev pensait alors que le parti pouvait être réformé, mais c'était trop tard. Et il va aller d'humiliation en humiliation. Dès son retour, une immense manifestation acclamait Eltsine. Signe des temps, place Loubianka, la statue de Dzerzhinsky, le créateur de la Tchéka. La Tchéka qui deviendra plus tard le NKVD, puis le KGB. Oui, hein, oui, bien cette statue ô combien symbolique et déboulonnée. Ensuite, Eltsine se fait un malin plaisir de s'opposer systématiquement à Gorbatchev, dont il annule les premières nominations de responsables qui remplacent les putschistes. Il exige aussi du président soviétique qu'il ratifie l'oukase qui suspend les activités du Parti communiste en Russie. Et Gorbatchev s'incline. Bah, il ne peut plus faire autrement. Il a perdu la main. Et dans ce grand jeu de dupes dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est Eltsine qui a gagné. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Le début de la fin de Gorbatchev. Piotr Smolar l'a raconté dans un numéro de l'événement du jeudi daté du mois d'août 1999. La scène se passe le 23 août, en fin d'après-midi, dans l'enceinte du Parlement russe où le drapeau rouge a déjà été remplacé par celui de la Russie. Gorbatchev monte à la tribune. Je cite le journaliste. Gorbatchev parle, mais ses mots s'effritent. Son aura s'est évanouie. En trois jours, il est devenu un homme du passé. Eltsine s'approche, une feuille à la main, comme un instituteur en colère, et lui demande de la lire. C'est le compte-rendu du Conseil des ministres russes établissant les responsabilités des ministres soviétiques dans le putsch. À cette violation des convenances dans un brouhaha assourdissant, Gorbatchev devient blême et ses yeux hagards se répercutent sur les écrans de télévision du monde entier. Il s'exécute. Eltsine l'humilie et tient une revanche éclatante 4 ans après son expulsion du parti. Il enfonce le clou en brandissant le décret de suspension des activités du Parti communiste russe. Gorbatchev demande de ne pas céder à l'hystérie anticommuniste, mais qui a envie d'être modéré? Le lendemain, samedi 24 août, il démissionne de son poste de secrétaire général et annonce la dissolution du comité central. Et Gorbatchev n'en a pas fini avec les humiliations. Personne ne veut plus du traité de l'Union qu'il proposait. Et les unes après les autres, les républiques vont choisir l'indépendance. Tout va très vite. Gorbatchev est toujours président, mais dans les faits, l'URSS n'existe plus. C'est à la fin 1991 qu'il démissionnera. Oui, après la création de la CEI, la Communauté des États indépendants. Donc si je vous ai bien compris, là, Gorbatchev a été joué par Yeltsin. Mais incontestablement. Mais ça ne veut pas dire que le président soviétique était totalement innocent. Attendez, ça mérite une explication. Ça. Volontiers. Pour bien comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. Très vite, il est apparu que Boris Yeltsin se posait en rival de Gorbatchev. Et la compétition entre les deux hommes ne pouvait se terminer que par l'élimination de l'un des deux. Et lorsque je parle d'élimination, je pèse mes mots. Ah, c'est encore une nouvelle insinuation, là. Eh bien, à plusieurs reprises, Yeltsin a été victime d'accidents bizarres, mais à chaque fois, il s'en est sorti. Il faut m'en dire plus, là. Quel genre d'accident ? Il a, par exemple, été agressé à proximité de sa datcha. Il a aussi failli se noyer en plein hiver. Et puis, il y a eu ce mystérieux accident de voiture au cœur de Moscou. Une camionnette qui a brûlé la priorité, alors même que la police ouvrait le passage au véhicule de Yeltsin. Le chauffeur a aussitôt pris la fuite et n'a jamais été retrouvé. Bon, vous pensez que c'était autant de tentatives d'assassinat ? Ben, ça y ressemble, non ? Bon. Et selon vous, alors, c'est clair, l'instigateur, c'était Gorbatchev ? Écoute, franchement, ça, je n'en sais rien. Il n'est pas exclu que des hommes du KGB aient pris l'initiative de se débarrasser du futur président de la Russie sans en référer au Kremlin. Car à côté du réformateur Gorbatchev et du libéral Yeltsin, il existait un troisième clan, celui des conservateurs néo-staliniens. Ouais, les futurs putschistes, quoi. En gros, oui. Ouais. Des hommes qui ne voulaient ni de Gorbatchev ni de Yeltsin, coupables tous les deux de travailler à la ruine du système soviétique. Et c'est la clé de toute cette histoire. C'est-à-dire ? Gorbatchev et Yeltsin vont se servir alternativement de cette puissance occulte pour s'éliminer l'un l'autre. Le point d'orgue de cette compétition était bien entendu le putsch du mois d'août 1991. Mais voyons d'abord ce qui se passe dans les mois qui précèdent le putsch. Dans les milieux conservateurs, et particulièrement au KGB, on est très inquiet. Après l'effondrement du mur de Berlin, les pays frères, comme on les appelait, s'émancipent les uns après les autres. C'est la fin du glacis soviétique sur l'Europe de l'Est. Hein. Oui, et alors que la situation économique se dégrade en URSS. Gorbatchev est plus ou moins ouvertement accusé d'être l'artisan de la désintégration de l'Empire soviétique, avec bien sûr la complicité de l'Occident et de la CIA. Bien sûr, ça. Et c'est le KGB qui propage ces accusations. Oui, oui. Dès le printemps 1990, le KGB travaille à déstabiliser le maître du Kremlin. Le principal conseiller de Gorbatchev, Yakovlev, est par exemple accusé d'être un agent de la CIA. Des accusations reprises par la presse communiste. Ensuite, à l'occasion de la fête du travail, le 1er mai, le KGB organise une provocation inédite. Pour la première fois dans l'histoire de l'URSS, le secrétaire général du parti est hué par la foule. Et d'après vous, cette hostilité n'était pas spontanée ? Non, le KGB a orchestré le mouvement, en liaison avec des hommes proches de Boris Yeltsin qui avaient tout intérêt à affaiblir Gorbatchev. Mais ce n'est qu'un début. Au début de l'automne, on constate soudain de curieux mouvements de troupes à proximité de Moscou. Déjà une tentative de putsch ? Oui, une sorte de répétition. Bien entendu, Gorbatchev, qui n'était pas au courant, demande des explications à son ministre de la Défense. Et celui-ci, qui sera un acteur important du putsch de 1991, lui répond que les paras ont dû donner un coup de main pour la récolte des pommes de terre. Ben voyons, c'est un peu gros, non ? Bien sûr, parce que pour aider à la récolte des pommes de terre, ces militaires n'avaient nul besoin d'être puissamment armés. Ensuite, enfin, je vais vite, il y aura la tragique affaire de Vilnius. Ouais, ça, je me souviens très bien, c'est l'attaque de la tour de la télévision lituanienne où s'étaient réfugiés des nationalistes. Oui, une attaque qui a fait une dizaine de morts. Or, il semble bien que Gorbatchev n'ait été informé qu'après l'assaut. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas donné l'ordre lui-même ? Je le pense. Et encore une fois, c'est sans doute le KGB qui a manipulé les nationalistes baltes et la répression par les troupes spéciales. Le résultat, c'est que l'image de Gorbatchev pâlit, à la fois à l'étranger, mais surtout en URSS, où immédiatement Yeltsin passe à l'offensive et accuse son rival de conduire le pays à la dictature. Alors, on assisterait donc à une alliance objective entre le clan Yeltsin et celui des conservateurs. Oui, Yeltsin se sert de ces derniers pour discréditer Gorbatchev et ceux qu'on appelle les réformateurs. C'est-à-dire des gens qui veulent transformer le système, mais en douceur. Alors qu'au contraire, les libéraux groupés autour de Boris Yeltsin exigent une rupture radicale avec le communisme. Ouais. Et on va en arriver au putsch. Alors, il est peut-être temps de me dire si, là aussi, il y a une sorte de complicité entre Yeltsin et les putschistes. Je vous fais d'abord remarquer que le grand vainqueur de cette aventure, c'est Yeltsin. Ouais. Donc si on cherche à qui a profité le crime, c'est ça ? Ah, tout à fait. Yeltsin et les siens avaient des antennes au KGB. Il faut savoir que le président russe avait obtenu de créer un KGB à lui. Ouais, un KGB russe. Oui. Et ce nouveau service était formé d'anciens agents du KGB soviétique. Par conséquent, Yeltsin pouvait se faire entendre. Et à mon avis, ses collaborateurs ont poussé les futurs putschistes à passer à l'action. Bon, ça n'a pas dû être très difficile, tant ces néo-staliniens étaient décidés à en finir avec la perestroïka. Mais Yeltsin n'a pas été le seul à les manipuler. Gorbatchev aussi. Gorbatchev qui aurait manipulé Poutine, mais quel était son intérêt? Le président soviétique était au creux de la vague et il voulait rebondir de façon spectaculaire. D'autre part, il savait très bien qu'un putsch se préparait. C'était presque un secret de polichinelle. Même à Washington, on était au courant. Le président Bush avait même personnellement averti son homologue soviétique. Mais comment pouvez-vous affirmer de manière aussi directe que Gorbatchev savait parfaitement qu'un coup d'État se préparait? Il avait une taupe au sein de la direction du KGB qui l'informait régulièrement. Par conséquent, s'il l'avait voulu, il aurait pu agir avant le déclenchement de ce putsch. Mais il a fait exactement le contraire. Et il a poussé volontairement les putschistes à la faute. De quelle façon? Avant le coup d'État, en juillet, il a fait courir le bruit qu'il allait prochainement limoger tous ces hommes qui occupaient des minutes de fonction. C'était comme agiter un chiffon rouge devant un taureau, et ça n'a pas manqué. Ils ont précédé leur éviction du pouvoir en déclenchant le putsch. Je veux bien vous croire, mais enfin, Gorbatchev, en agissant ainsi, prenait quand même un sacré risque, hein, parce qu'après tout, ce putsch pouvait réussir. Je suis d'accord, mais Gorbatchev avait de bonnes informations. Il était à peu près certain que cette tentative de coup d'État ferait long feu. Il savait qu'une grande partie de l'armée ne suivrait pas. Alors, je vous demande à nouveau, quel était son objectif? À la faveur de ce putsch qui ne manquerait pas d'échouer, selon lui, hein, bon. Ouais, il espérait aussi se débarrasser définitivement de ces barons du régime qui lui empoisonnaient la vie et compromettaient en permanence ses tentatives de réforme. En outre, il pensait aussi prendre ses distances avec les dirigeants du complexe militaro-industriel qui étaient liés aux conservateurs. Il comptait ainsi redorer son blason. Oui, qui en avait bien besoin. Mais ce que Gorbatchev n'avait pas prévu, c'est que Helsinki tirerait les marrons du feu à sa place. C'est pourquoi je vous ai parlé d'un jeu de dupes. Les deux grands rivaux se sont également servis des putschistes, mais c'est Helsinki qui a emporté la partie. Pardonnez-moi, mais j'ai du mal à croire, moi, la duplicité de Gorbatchev dans cette affaire. Bon, je vous donne cette information capitale. Le président soviétique a toujours prétendu que pendant ces 3 jours où il a été mis en résidence surveillée sur les bords de la mer Noire, il avait été privé de toute possibilité de communication avec l'extérieur. Ces lignes de téléphone ayant été coupées. Hein, oui, mais bien c'est faux. C'est faux parce que le numéro 1 soviétique, même en vacances, disposait de moyens de communication très sophistiqués. Si les lignes téléphoniques tombaient en panne, des liaisons radio se mettaient automatiquement en service. Et si l'électricité était coupée, des dynamos prenaient alors le relais. Des accumulateurs étaient même en place au cas très improbable où ces dynamos auraient rendu l'âme. Vous voyez donc que cet isolement est un leurre. Mais pourquoi Gorbatchev aurait-il menti sur ce point alors? Parce qu'il voulait donner l'impression qu'il était persécuté et réduit à l'impuissance. Il espérait ainsi obtenir la sympathie du peuple. Mais encore une fois, c'est Helsinki qui a raflé la mise. Helsinki qui lui aussi avait prévu le putsch et décidé de l'utiliser à son profit. Et même selon vous, il avait d'une certaine façon encouragé les putschistes? Parfaitement. Et tout était prévu, à commencer par son coup d'éclat devant la Maison Blanche. Je vous donnerai un dernier argument en faveur de ma thèse. Les putschistes arrêtés en août 1991 ont été libérés au début de l'année 1992. Vite, alors. Et ils ont été ensuite amnistiés. Alors admettez que la sanction a été excessivement légère. Et pour vous, c'est la preuve de leur, disons, complicité avec Boris Yeltsin? Je vous laisse juge de penser ce que vous voulez. Et j'ajoute que la plupart d'entre eux occupent aujourd'hui des fonctions honorifiques et sont très en cours, sous Poutine comme ils l'ont été sous Yeltsin. La thèse de M. X est séduisante. Elle est plus ou moins corroborée par plusieurs auteurs. Roland Jacquard, par exemple, auteur de « La fin de l'Empire rouge », un ouvrage paru chez Robert Laffont. Mais aussi par Vladimir Fedorovski, un des acteurs de la perestroïka, qui a récemment publié un essai intitulé « De Rasputin à Poutine », coédité par Perrin et le Mémorial de Caen. À samedi prochain, et je vous rappelle que sur notre site internet franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et communiquer avec nous.